les très drôlatiques personnages qui rient des radios privées puis qui rient de nous autres depuis 3 ans, 4 ans, le vendredi soir à Radio-Canada. Est-ce que c'est dans le mandat de Radio-Canada des émissions d'humour? Est-ce que ça devrait être prioritaire dans leur mandat? On pourra l'entendre un vendredi soir sur nos ondes, ce qui va lui permettre de se reposer un peu, et nous aussi d'ailleurs. Voici votre animateur qui est encore jeune, Jean-Philippe Beaute! Wow! Hey! Wow! Hey! Bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps de profiter, de se gâter un peu ce soir. Fred Savard, bonsoir! Et que ça sent les vacances! Ouais! Hein? Oh boy, j'ai des effluves de pina colada pis de chips au barbecue, moi, dans les narines. Un rôle de mix. Non, non, mais moi l'été, je déjeune avec ça. Là. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Vers midi, 11h midi, quand le soleil se lève, ouais. Je me lève. Ah ouais. Gros été. Ouais. Hey, mais ça sent pas juste les vacances, hein. Ça sent aussi la nostalgie parce que c'est notre dernière émission du vendredi soir. Ouais. Moi, je m'ennuierais pas de cette case horaire-là, sincèrement. Ben voyons donc. Ben là. Hey, ça fait 5 ans quand même qu'on l'occupe, hein. Ouais. Hey, c'est un petit pincement au cœur de laisser aller ça. Ah ouais. Non, surtout que c'est. Pouvez-vous répéter la question avec Philippe Lagu qui va la reprendre, là, cette case horaire-là? Il risque de tripler nos codes d'écoute, on va la répéter. Alors, ben, regarde, ça se peut, Fred, qu'il trippe nos codes d'écoute, mais il faut voir avec quelle sorte de public. Ah, ça, c'est vrai. On a toujours visé la qualité. Ah non, ici. Ça, c'est vrai. Non. Et ça... Ça, c'est vrai, ça. Yeah! C'est ça. Moi-même, là, j'ai dit des fois à des gens qui me disaient « Écoutez notre émission, d'arrêter de l'écouter parce que je trouvais qu'il était pas à hauteur. » Non. J'aurais dit, arrêtez ça. Moi, je juge qu'ils ne méritent pas de nous écouter, je leur dis. Hein. Ah non, c'est clair. C'est bien le fun, là, mais ce ne sera pas possible. Ben non. Non. Allez. On exige l'excellence de notre part. On est des passionnés d'excellence. Et on veut la même chose de notre public. Moi, je carbure. C'est tout à fait normal. Je carbure l'excellence. Non, c'est clair. Donc, ce soir, c'est notre dernière émission avant, ben, avant de perdre tous nos week-ends dès le 23 août. Oui. C'est plate de même. Alors, on a pensé, ça plaisir, en se remémorant, oui, nos bons et moins bons coups durant ces 92 émissions. Oui, 92 émissions. Faire un peu la genèse de l'émission, voir comment tout ça a commencé. Ouais. Et en gros, comment on est devenu une émission culte en si peu de temps. Et... Alors, parce qu'on peut dire qu'on est rendu là, bien honnêtement. Ah, c'est clair. On est un peu les jeunes loups de la radio. Oui, on est... La game a changé. Oui. On est devenu culte vite. Oui. N'empêche qu'en 2 ans, en 2 ans, on a couvert 3 premiers ministres québécois. Oui. Hein, presque un premier ministre canadien. C'est vrai. On a vu passer... on a vu passer 184 invités. Quand même. Pas mais différent. 184 différents. Ben, il y en a qui sont venus plus d'une fois. Ah oui. Quoi que dit de même, mais... Des gros noms, c'est à parler de ça. Il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas venus non plus. Hein. Non, c'est vrai. Non, mais c'est pas une blague. Peu de gens ont refusé. Hein. C'est vrai. Et ça, c'est parce qu'on crée des carrières, Fred. On a créé des carrières. Ah oui. C'est... Non, mais hey! Mais c'est vrai! Denis Coderre, quand il est venu ici, Backbencher. Maire de Montréal. Bang! D'un coup. Oui. Mélanie Joly. Oui. From Bencher. Ouais. Proposition officielle, presque. Oui. Hein? Non, c'est pas rien. Louise Arel. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple pour Louise Arel, mais. N'empêche, on est des gros. Non, c'est ça qu'il faut. Franchement. Ouais. Finalement, on a été, faut le dire, on a été presque une sorte de tremplin. Oui, un tremplin. Des fois, il y avait de l'eau, des fois, il n'y en avait pas. Ouais. C'est vrai qu'on a aussi détruit des carrières, faut le dire. On est responsable de plusieurs carrières détruites. Évidemment, on pense tout de suite à Ponelle Paterne-Matondo. Oui. On se souvient du candidat malheureux à la mairie de Montréal. Ouais. Non, mais je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un débat ici, un débat des exclus qu'on avait appelé. Un débat où Mélanie Joly avait refusé de participer, d'ailleurs, avec justesse, finalement. Quand on y pense, t'es correct. Non, mais Ponel qui avait fait toute une performance ici, hein, et il s'était retiré tout de suite après. C'est vrai. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'on a fait. Il a sombré dans l'oubli comme Patricia Tulane. Oui, tout à fait. Deux qu'on n'a plus jamais revus. Jamais. Je vais pas me vanter, Fred, mais ça me surprendrait pas qu'à la soirée, t'es encore jeune. On a un peu changé le monde. Hein? On a un peu changé le monde. Je sais pas, j'ai tellement pas de recul. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Une petite bitcherie à la fois. Hein? Regardez ce qu'on a réussi à faire pour la carrière d'André Wauclair. c'est pas rien, ça. Non, non, c'est pas rien. Il a commencé, c'était quoi, un obscur représentant ben, des gaz de schiste. Oui, puis après? Ben là, il est devenu délégué général du Québec à Bay James. Ah ouais. Hey, come on! Quand on travaille, là, quand on veut, oui. On peut. Quand faire. On se retrousse les manches, on va dans le Nord. Ah oui, oui, monsieur. Fait que cette semaine, on lâche un peu l'actualité. Oui. On va parler de nous autres, hein? Ça va faire du bien. Chose qu'on fait rarement. C'est vrai, ça. Qui c'est qui est là pour nous donner des tapes dans le dos? Ben, à part ça. Nous autres. Ah oui. Hein, voilà. Franchement, oui, oui. On a donc préparé une émission remplie de surprises. Franchement, là, beaucoup d'invités. Oui. Ça, ça va être différent, oui. Vous allez voir. Et ça vaut la peine d'écouter. Hein. Puis on a le temps de se gâter. Surtout parce que la soirée, là, ben, est encore jeune. Oh! Yeah! Yeah! Yeah! Bon! Yeah! Le petit Niquette! Ben oui, les internets, parce que les internets vont continuer d'exister. Ah oui? Et les gens pourront nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, et sur notre site radiotradunioncanada.ca/lasoirée, où ils pourront continuer tout l'été de voir nos photos de voyage dans le sud et quelques amuse-gueules en attendant la prochaine saison. On passe maintenant au courrier des auditeurs. Bon! Hey, ça, on va s'ennuyer de ça, cette petite tune-là. Hein? Oh! Ben, ça mettait un peu de... On pourrait la garder. Votre boîte, hein? Oh, oui, oui, oui. Bon. Juste une question cette semaine de la part de Mathieu Charlebois. Le courrier des auditeurs, ça va-tu revenir la saison prochaine? Et si oui, pourquoi? Oh! Ben oui! Ben oui, il va revenir parce que l'interactivité 2.0, là, c'est vraiment important pour nous dans le contexte de la société de l'information. Ouais. Et ça va être encore plus 2.0 la saison prochaine, ouais. Parce que ça va être en direct. Alors, vous pourrez nous le faire savoir live quand on dit n'importe quoi. Et que ça va être le fun! Oh. Et mon Dieu! Et là, évidemment, pour la dernière fois, on va aller retrouver notre reporter tout-terrain des deux dernières années, le bon Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, mon bon Jean-Philippe, comment allez-vous? Ça va assez bien. Comment ça va, vous? Ça va assez bien aussi, Jean-Philippe. Colline de bine qu'on va s'ennuyer. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui? Ben écoutez, je vous parle de moi, Jean-Philippe. Ah! Évidemment, deux années de reportage tout-terrain. J'ai envie de retracer mes meilleurs moments, mes pires moments. Oui, ben là, mais en même temps, si vous nous parlez de vous, là, ouais. Pas besoin d'être au téléphone pour ça. Ah ben ça, c'est sûr, sûr. Laissez donc votre maudite machine de marde, là, puis venez jaser avec nous autres en studio. Ah ben OK, je fais ça, Jean-Philippe, je m'en viens, là. OK! Yeah! Il a réinventé le concept d'aller trop loin à la radio. Il est notre Hugo Lavoie du reportage terrain, mais sur l'acide, accueillons le prince des malaises radiophoniques, monsieur Jean-Sébastien Girard! Bon, j'ai jamais levé. C'est Girard! Eh hey, mon Dieu! Je comprends pourquoi on fait de la radio maintenant. Vous êtes bien fou. C'est la première fois que je vous vois presque, OK. Hey! Non, mais c'est extraordinaire de vous recevoir en studio. Vous avez reçu un accueil franchement surprenant. Les gens m'aiment beaucoup, Jean-Philippe. Je sais que vous en doutez. Fred en doute beaucoup. Mais souvent, je lis sur le site Internet, il y a beaucoup de gens qui considèrent que mon segment, c'est leur segment favori. C'est vrai. Beaucoup, ouais. Madame Monique... Monique André Michaud, c'est ouais, ma mère. Ouais, ouais, ah oui! Mais il n'y a pas juste elle. Si on faisait le test, levez la main ceux dont le segment préféré dans l'émission, c'est moi. C'est tellement... Ah, mais quand même, hein? Il n'y a pas tant de personnes, quand même. C'est même pas moitié de la salle. C'est bon. 77% des gens. Ce qui est quand même... Il y a quelque chose de formidable là-dedans, c'est que ce segment-là, c'était pas gagné d'avance. Non. Moi, j'appelle ça un succès surprise. Ah ouais. Ouais. Non, mais on rit, mais c'est quand même vrai. Oui. Parce qu'au début, quand on a créé l'émission, on avait besoin d'un moment pour remplir. On se demandait ce que ça va être de la musique, qu'est-ce que ça va être... Puis on n'avait pas les moyens de la musique, alors on s'est dit on va aller chercher plus cheap encore. Ouais. Et on a eu cette idée-là. Non, mais sans blague, Jean-Sébastien. Mais sans blague, le mandat n'était pas clair du tout. J'ai rencontré Marie-Claude Bocage, qui était la réalisatrice de l'époque, qui m'a rencontré à la cafétéria. Elle m'a dit ça serait le fun que tu fasses de la couverture d'événements réels, en temps réel pendant l'émission, pour que ça soit un petit peu amusant, un petit peu drôlatique. C'est tout ce que j'avais comme information. Moi, quand elle a sorti ton nom, je dois l'avouer, j'étais le plus grand détracteur. Ah ouais? Parce que on te connaissait sous le pseudonyme de Monsieur Truc, faut le dire. Mais vous écoutiez pas les émissions culturelles, c'est ce qui vous permettait non plus de voir que j'ai quand même aussi une base. Parce que je viens du théâtre, hein, moi. Donc, c'est ce qui me donne cette répartie, c'est quelque chose qu'on porte toujours en soi, ouais, sur le théâtre. Ben oui. C'est une formation. Moi aussi, je m'en UDA. Hein. C'est ça, ben exact. Ouais. Hey, mais question de faire une émission juste pour nous autres, on va continuer. Non, c'est ça. Okay. Mais donc, le mandat, c'était de couvrir des événements. Donc, ouais, j'étais vraiment dans l'événementiel, dans les journées mondiales de quelque chose, au pilote. L'émission test, qui servait à savoir la direction, c'était la journée mondiale de l'amitié. Oui. Alors, je me promenais sur la rue, puis j'essayais de me faire des amis. Il n'y avait pas vraiment d'entrevue. Le personnage bien irrévérencieux, qui pousse un peu les limites, n'existait pas. J'avais fait, je pense, dans la deuxième ou troisième émission, c'est la journée mondiale de la crème glacée. Pour vrai, je savais pas ce que je faisais. J'étais dans un Dairy Queen. Oui. J'avais pas de scénario, j'avais rien de... Puis, j'ai parlé à un monsieur du Dairy Queen, je parlais des saveurs. Pour vrai, là... Puis on avait... J'ai fait un Vox Pop avec une madame qui me disait, ben moi, je prends des bananes split. Je suis comme, oh, madame, c'est engraissant, banana split. Ça, c'était comme ma ligne très drôle. Puis, je vous ai isolé un petit extrait aussi. Ah non! Vous aviez en studio Gabriel Nadeau-Dubois et Pauline Marois, qui n'étaient pas encore première ministre. Et là, je demandais au monsieur du Dairy Queen s'il pouvait nous suggérer des sucreries pour nos deux invités. Ça, c'est mes débuts à la soirée tant qu'on jeune. On écoute. Alors, bonsoir. Alors, je suis toujours avec Alain, crémologue. Est-ce qu'il est intéressant avec lui qui travaille dans la crème glacée depuis maintenant 30 ans? Il me dit être devenu un espèce de psychologue de la crème glacée. C'est-à-dire que maintenant, on n'a qu'à commander notre crème glacée. Il peut un peu deviner un peu notre personnalité en fonction de notre choix. Alors, si vous voulez, on va se prêter à un jeu. Par exemple, si Pauline Marois arrivait ici, selon vous, quelle serait sa crème glacée favorite? Au bleu, hein? Mauvaise réponse, c'est la crème glacée à la pistache. La crème glacée favorite de Mme Marois. C'est vrai ça, Mme Marois? C'est tout à fait vrai parce qu'elle est verte, c'est la couleur de l'espoir. C'était l'époque où on faisait du documentaire. Et ce qui est très drôle, Fred, c'est qu'effectivement, après chacune de ces interventions-là, je revenais à la maison, je disais, ça n'a pas rapport, ce que je fais là, c'est pas bon. Mais non. Je dis, là, ils vont me dire vers où m'aligner. Puis j'arrivais en réunion lundi, puis pour vrai, vous me disiez, c'était super. Ouais. C'était super drôle. Mais on sentait que ça s'en venait. C'était quelque chose qui allait germer. Là, de... Mais en année, vous avez fait quand même le switch, comme on dit, et vous êtes devenu une personne assez méchante. Oui. Et mais c'est vrai, vous avez commencé à niaiser le monde. Oui. Hein? En fait, c'était un peu un dîner de cons, mais sans l'être en même temps. J'ai l'impression que vous avez trouvé votre ton beaucoup avec le Dr Barrette. Oui. Mais en fait, c'est la première fois que j'ai décidé de rencontrer une personnalité, de faire une activité avec, puis d'être un petit peu révérencieux. Donc, j'allais faire du jogging avec Dr Barrette. Et non, mais c'est vrai. Pour vrai. Et il avait accepté. Oui, il avait accepté. Il faut quand même le dire. C'était les élections, donc il se présentait pour la CAQ à l'époque, évidemment. Et je me suis rendu, j'allais me rendre, et j'ai eu un accident. J'ai eu un gros face-à-face sur l'autoroute. Avec un camion. C'est pas une blague, hein, c'est pas une blague, il restait rien de la voiture et puis j'ai failli laisser ma peau. Ben oui. Et ça, c'était un peu chiant parce que après ça, on n'avait personne pour vous remplacer dans l'émission, puis on était un peu en tabarouette. Je sais. C'est pas super professionnel. Ça pour dire quand même, vous êtes pas mort, là, venez-en. Non. Et, mais il y a des gens quand même qui sont revenus sans arrêt vous voir. Et ça me surprend. Évidemment, on pense à Philippe Schnob qui s'est fait une carrière sous votre dos. Oui. Léo Bureau-Blouin, hein, qui est venu à plusieurs reprises. Gabriel Dubois. Cinq fois, Gabriel. Ah oui. Mélanie Joly, évidemment. Et on s'est souvent demandé comment ça se fait qu'ils reviennent vous voir. Ils ont un syndrome de Stockholm. Probablement. C'est un problème, tu sais. Parce qu'ils le savent. Ouais, ouais. Le modèle scandinave. Je me suis dit, il y a sûrement quelqu'un qui a un beau message, qui peut surtout nous expliquer pourquoi on veut revenir se faire niaiser par Jean-Sébastien Girard. Et on a un petit, on a un petit cadeau pour vous, Jean-Sébastien. Madame Harel, vous êtes là? Madame Harel. Louise Harel, qui a été une des meilleures joueuses depuis le début de l'émission. Comment ça se fait que vous aimiez ça, venir vous faire niaiser par Jean-Sébastien Girard? Ben, j'aime sa voix. Et puis, écoutez, j'aime son esprit de bottine. J'aime son ton. J'aime ça, le ton irrévérencieux. J'aime ça. Et puis, je trouvais qu'en fin d'une semaine, là, chaque fois, c'était comme de la désintox. Et savez-vous, Mme Harel, vous êtes aussi notre coup de cœur des deux dernières années. Oui. Et ça, on va vous le dire. Merci beaucoup d'avoir embarqué dans toutes ces niaiseries-là. Et on vous souhaite un très bel été. Bonne continuité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Harel. On se revoit l'année prochaine, c'est sûr. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Ça m'a fait plaisir. Je peux rester ici? Oui, vous restez, je vous en prie. Vous écoutez La Soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, l'émission qui aura enfin ses vendredis soirs de libre pour écouter la radio. Ah, hey, Fred Savard, ça va tout? Oui, votre alors... dernière chronique. Jean-Sébastien est là pour vous écouter. Je vais faire plaisir à bien des gens pour ma dernière chronique en tentant de les surprendre. Hein. Je sais, vous vous attendez à ce que je m'auto-congratule. Bien des gens n'en peuvent plus d'entendre un être aussi exceptionnellement doué que moi me relater que ce qu'on me répète constamment lorsque je vais humblement acheter des viandes coûteuses et les meilleurs vins au marché Jean Talon. Dans l'anonymat d'un samedi après-midi, loin des regards envieux des hommes sans âge et des soupirs gorgés de désir des jeunes femmes. Mais non, cette excellence ne sera pas l'objet de ma chronique, du moins pas la mienne, car j'ai envie de rendre hommage à nos auditeurs. Ah! Oui, je sais, ça peut paraître... Oui! Je sais, ça peut paraître flagorneur, mais sans eux, que serions-nous à la soirée d'Encore Jeune? Nous serions des has-been du pornographe, chose que je ne souhaiterais pas à mon meilleur ennemi, et Dieu seul sait que j'en ai plusieurs. Non, vraiment, nos auditeurs sont une très, très, très grande part de notre succès, parce qu'on ne vous cachera pas qu'il y a bien des gens à Radio-Canada qui aimeraient beaucoup qu'on disparaisse des ondes, et je ne nommerai pas de nom, puisque certains nous écoutent juste pour nous haïr, alors que les autres sont probablement dans notre propre équipe. Mais... grâce à l'appui de vous, chers auditeurs, grâce à votre présence tous les vendredis soirs, l'oreille collée sur votre radio transistor, vous nous permettez de taire ces détracteurs une heure à la fois. Et grâce à vous, chers auditeurs, mais surtout grâce à votre ouverture d'esprit, votre générosité d'écoute, votre intelligence, vous nous avez permis et même obligé de donner le meilleur de nous-mêmes, ce qui nous a permis d'aller là où on voulait, dans un abandon total et dans des endroits où ça ne sent pas toujours bon. Je sais que la poune, à la fin de sa vie, avait l'habitude de répéter inlassablement qu'elle aimait son public. J'aime mon public. Et j'avoue que je comprends exactement pourquoi elle sentait le besoin de le dire si souvent, parce que c'est très grisant de se savoir appuyé par une multitude de personnes chaque semaine, des dizaines de milliers de personnes. Et que sans vous, nous ne serons rien, bien que dans mon cas, puisque j'ai déjà gagné un Gémeaux, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais je pourrais besogner ailleurs. Ça ouvre tellement de portes, un Gémeaux, surtout en astrologie. Et... justement, je ne suis pas un devin. Je ne sais pas comment la transition des vendredis au samedi au dimanche se matérialisera, mais je sais que vous serez là, chers auditeurs, et cette pensée est non seulement grisante, mais extrêmement stimulante, surtout à la veille de prendre 6 semaines de vacances. Vraiment, merci d'être avec nous depuis le début. J'espère que nous serons ensemble encore très longtemps, et qui sait, si nous sommes chanceux, peut-être mourrons-nous ensemble. Ah, mon Dieu Jésus! Six semaines sans vous, Fred. Ah, ça va être difficile, hein? Vous savez quoi? Ouais. Venez donc me rejoindre. Ah. Il manie le verbe, connu une arme de destruction massive. Il est très grand, au propre comme au figuré. Mais il est surtout impertinent. Mesdames et messieurs, voici moi-même! Mon Dieu, c'est niaiseux, cette émission-là. Mais quel plaisir on a quand même. J'adore ça. Fred, ça va. Vous savez, les gens disent souvent, Fred, c'est le génie de l'émission. Mais oui, on me le répète souvent. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment vrai? Ben écoute, de toute l'équipe de rédacteurs de l'émission, je pense que je suis un des meilleurs. On est combien? On est moi. Non, c'est pas vrai. Tout le monde participe. Oui. Même Olivier, des fois. Hein? Ah oui, quand il parle. Fred, on... 92 émissions, ça veut dire 92 chroniques. Oui. 92 chroniques à s'insurger sur quelque chose, en fait, ou faire quelques hommages. La plupart du temps. Les petites semaines, je l'avoue, oui, les hommages, ça, c'est vrai. Mais les petites semaines, il y en a eu. Le réflexe, c'était toujours de me péter les bretelles moi-même. Je dois l'avouer, je veux faire une confession. Je sais que les gens... Il y en a que ça... Dernièrement, on a eu des commentaires sur le site. Les gens, il y en a qui n'aiment vraiment pas ça. Ben, j'en suis. Hein. Ouais, je suis. À un moment donné, je trouvais que ça faisait long. Non, là, mais je comprends. Mais tu sais, j'ai été longtemps dans les apartistes, alors l'anonymat, moi, j'étais tanné, alors je voulais qu'on... Ça, c'est pas correct. C'est pas fin, ça, pour les deux membres qui restent. Non, c'est pas vrai. Je sais pas si on a l'argent pour s'acheter une radio pour nous écouter, mais tu sais, honnêtement... Non, ça dérape. Là, ça dérape. C'est moi, je viens pas du théâtre, hein, je viens de la scène et de. C'est mon université. C'est deux écoles. Ah oui, c'est complètement. Ouais. Non, mais bon, Fred, là, évidemment, en 92 chroniques, moi, je me rappelle d'une chronique. Quand on a commencé, on cherchait tous. On parlait de Jean-Sébastien au début, qui savait pas trop qu'est-ce qu'il faisait. Mais il s'est replacé rapidement. Oui. Hein, et rapidement, on a été mal à l'aise à l'écouter. Mais moi, j'ai été chanceux parce que je faisais la même chose qu'au Spornographe, dans le fond. En fait, vous faites la même chose depuis le début de votre carrière. Non, mais c'est ça. Ouais. Et je me rappelle, on a commencé, On a commencé en force. Au début, vous aviez une perruque. Oui. Je me rappelle de au ces... pilote. Au pilote. Parce qu'il faut comprendre. Ouais, les émissions test qu'on appelle. Les émissions test. Et c'était Gabriel Anneau-Dubois, notre invité, ouais, et ouais. Anne-France Goldwater. Et moi, je suis un grand fan de Desproges. Et il a fait dans une émission de radio, il faisait des procès. C'était l'avocat qui accusait. Oui, oui. Alors, je vais m'inspirer de ça. Et le concept de mes chroniques, c'était ça. C'était je vais accuser. Ouais. Et là, j'avais mis une perruque comme les juges. Dans le Commonwealth, avec une casquette par-dessus. Et là, j'accusais Gabriel Anneau-Dubois. Mais là, c'était avec un ton « J'accuse! » Écoute, ça a duré, on n'aurait pas toffé trois mois. Ouais, non, ça... non. Par contre, vous avez mis le point sur la bonne chronique dès le début. Ouais. Et ça, j'aimerais ça que vous nous en parliez, parce que peut-être que les gens qui nous suivent depuis le début ont en mémoire la bonne chronique ben, de Fred. La chronique que je me suis fait le plus parler, ouais. c'est sur le boson de Higgs. Ah, ça, c'est on avait découvert le boson de Higgs, et j'avais tenté de vulgariser le boson de Higgs en faisant des parallèles. Et c'est la chronique qui m'a donné le plus d'ouvrages. Parce que normalement, on va se le dire, une chronique, ça s'écrit sur le coin d'une table en 7-8 minutes. Sincèrement, là je veux pas me... Alors, mais celle-là, là, écoute, moi, je suis zéro scientifique. J'ai poché mon cours de maths en quatrième année. Il fallait que je cherchais de l'information. Elle a vraiment été difficile à faire. Et je suis une papier de job, et les gens en ont beaucoup parlé. Et on a un extrait, d'ailleurs, de cette excellente chronique. Donc, dans les années 60, on ne comprenait pas comment interagissait l'ensemble des particules qui formaient la matière, surtout dans le domaine du nucléaire. Hein. On savait depuis Hiroshima qu'elle pouvait faire fondre les masses, mais on ne comprenait pas comment elle pouvait avoir une masse. Pour se mettre dans l'état d'esprit de l'époque, là, faites l'exercice suivant. Lisez le programme de la CAQ et posez-vous la question suivante. D'où vient la masse? D'où vient la substance? Mystère. C'est vrai que c'est très bon. Oui. Hein? Et c'est malheureux que ça soit à la deuxième émission. Pendant l'été, alors elle a très peu été écoutée. Cette non, ouais, c'est clair. Ça, c'est a été la bonne et ensuite, ouais, ça a été une descente aux enfers tout depuis. Fait. Fait. On parlait de on parlait de l'émission pilote, donc de l'émission test. Quand on revient au début de l'émission, on a testé plein d'affaires. Hey, hein, quand on ne sait pas où aller nécessairement, puis on a essayé plein de choses, ouais, qui n'ont jamais été diffusées, non, pour l'amour du bon Dieu. Et en primeur, hein? on va avoir un petit extrait. Ah mon Dieu, c'est ça que je me disais. On avait pensé à faire lire. À l'époque, tu sais, le Twitter, ça fait 2 ans quand même. Twitter, c'était plus gros qu'aujourd'hui, alors qu'on sait que c'est un ramassis, n'importe quoi. Et là, on s'est dit, ça serait le fun qu'on fasse une espèce de top 3 des plus beaux tweets de la semaine, lus par un petit garçon de 10 ans. C'est vrai. C'est et on trouvait ça, là. Ah, c'était le meilleur flash. C'était, c'était drôle. Hein? Oui. On va en écouter un petit bout, d'ailleurs. Hey, merci d'être ici, Thomas. Tu vas nous lire les 3 tweets de la semaine. Et pourquoi pas commencer avec le numéro 3. Ben, mardi 22 mai, Lise Raffari a écrit « Hey, les virtuoses de la casserole, laissez maintenant dormir les bébés, les malades, les vieux, on a compris. » Ah oui! Oui, ben, est-ce que tu sais c'est qui, Lise Raffari, Thomas? Non. C'est l'ancienne rédac-chef de Châtelaine. OK, hey, bon. Mais c'est incroyable. Il y a une raison pour qu'on n'a pas diffusé ça non plus. Non, non. Mais... dire que Lise Raffari, aujourd'hui, c'est une de mes collègues à ses pas trop tôt, c'est incroyable. La vie change. Mais ça sert à ça, des émissions test. Hein? Ouais. On fait des tests. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait aussi Geneviève Peterson. Madame Chose, que vous connaissez peut-être, ouais, qui faisait des cocktails à la fin de l'émission, qui arrivait avec son petit chariot et qui faisait un cocktail qui devait résumer la semaine d'actualité. Et qu'on pensait que ça allait être une bonne idée. Hein? Et ça avait été un Bloody Mary, finalement. Pauvre Geneviève. Et une, ouais, chance qu'elle s'est pas attachée à nous, hein, parce que regardez sa carrière maintenant. Non, du romancière, elle est à Presse Plus, et on rêve tous de finir à Presse Plus. Ben, on va tous éventuellement finir à Presse Plus. Hein. Ouais. Et sinon, l'émission a évolué aussi au fil du temps. Et puis, j'en parle avec Fred, parce qu'on composait les jeudis et les vendredis, souvent, notre, ouais, palmarès. Je sais, ouais, pas si vous vous souvenez du palmarès qui a duré une saison. Et quelques émissions. Ouais. Et c'était l'affaire qu'on écrivait à la dernière minute, à 3h. À l'époque, on était le jeudi, on enregistrait le jeudi, parce que ça nous tentait pas. Puis c'était un FBI, on va se le dire. Un FBI, c'est une fausse bonne idée. Ben, c'est un FBI! Ouais. Il y en a eu quelques bons quand même. Bon. Mais qu'on a travaillé fort pour faire des palmarès. Moi, j'insistais pour qu'on en aille 5, un top 5. Et des fois, on avait juste 3 bons gags les bonnes semaines. Et encore. Et des fois 2. Ouais, ouais. Là, on disait toujours, ah, si on a 3 bons, c'est correct. Non, on en fait 5. Ça a fait plusieurs... Et toujours est-il qu'il s'est mort pour une raison, cette affaire-là? Ben oui, c'est ça. Il y en a eu un bon, ah oui, quand même. Ouais, ouais. C'est cette année, on a ramené le concept. Et c'était, je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, la NSA avait intercepté... en fait, il avait encrypté des recherches de films porno chez des leaders islamistes. Il s'était rendu compte que certains leaders islamistes écoutaient des films porno, et on avait imaginé quel était le top 7 des films porno les plus écoutés. Et on a les 3 meilleurs. Quand on a 3 bons. Quand on a 3 bons. En troisième position, 2 chèvres en or. C'est... C'est l'histoire de deux chèvres halal qui s'ennuient à la maison et Donald Pilon vient les rejoindre. En deuxième position, la graine et le mulet. Trois madames s'empiffent de couscous pendant que leurs maris s'en vont avec le mulet dans un motel du boulevard Taschereau rejoindre Donald Pilon et les deux chèvres. Et en première position des films les plus regardés selon la NSA par les islamistes radicaux, Emmanuel! C'est l'histoire... Oh mon Dieu. C'est l'histoire d'une femme en Arabie Saoudite qui apprend à conduire automatique. Emmanuel! Quand tu en as trois bons. Quand il y en a trois bons, ça fait un bon moment de radio. Ah, mais l'émission a évolué. Finalement, oui. Ce qui a remplacé les palmarès, c'est le courrier des auditeurs. On a sous-traité ce job-là, finalement. Tout à fait. Et c'est Olivier qui s'en occupe. Oui. Non, c'est les auditeurs. Ah, OK, ouais. Parfait. OK, génial. Ben, merci beaucoup. Merci, Fren. Merci. Vous savez, on ne pouvait pas clore le grand chapitre de la soirée T'es encore jeune sans entendre, pour une dernière fois cette année, Radiovision. Vous écoutez Radiovision. Jean-Étienne au microphone, épaulé toujours par la sémillante Gladys. Gros love Gladys, tu es l'ange des ondes hertziennes, même si la majorité blanche nous confine à la banane M afin que nous grisillons dans l'anonymat. Je sais que pendant que je ronchonne sous nos conditions, nos amis de la soirée est encore jeune, se flatte la pince ventrue en sommageant entre eux pour les dernières émissions. Ils doivent se donner des trophées artistes, tiens toi. Tu veux un artiste, tiens. Prends le trophée artiste, mon ami. Laissez-moi vous dire que je ne pleurais pas leur départ. Eux qui, pendant 92 émissions, ont si bien symbolisé le pouvoir de la majorité blanche et l'ethnocentrisme du Blanc Québec qui se croit ouvert d'esprit mais qui ne voit pas les œillères qui lui masquent la réalité dans son propre visage. 92 émissions, deux invités par émission, ça fait combien au total, Gladys? 184 invités, merci. 184 invités, mais combien d'invités noirs représentant notre communauté? Voilà la question. Eh bien, avec Gladys, samedi dernier, juste avant d'aller danser un bon Zouk Love, nous avons réécouté toutes les émissions de Jean-Philippe Gauthier et sa bande. Et nous avons trouvé que 5 invités noirs, 5 invités noirs sur 184, ça fait un pourcentage de 2,7. Merci encore. Et attention, sur les 5, il faut tout de même inclure Ponel Paterne Matondo, qui avait été invité lors de la campagne municipale pour faire un débat avec des candidats qui n'avaient aucune chance. Et que dit de cet autre invité, Madouani Kakadé? J'ai beau connaître très bien notre communauté, je m'y implique depuis des années, je n'ai aucune idée de qui est cette femme Kadé. Je ne l'ai pas vue à l'église, pas vue à la mangrove salée, pas vue au salle communautaire, pas vue au salon de coiffure, tout les petits couets sur Boulevard Saint-Michel. J'espère pour elle que c'est la sœur d'Angelo, ce sera toujours sa prix. Ça nous laisse seulement 3 invités. Noir, Norma Bratwett, Yolanda James et Danny Laferrière, qu'on a invité sûrement parce qu'il était présentable à la majorité blanche depuis sa petite élection à l'Académie française. Bon débarras donc, la soirée est encore jeune, qui heureusement ne sévira plus sous nos zones. Gladys qui me chuchote à l'oreille qu'ils seront maintenant 4 heures en ondes les samedis et les dimanches. D'où es-tu senti ou pas coupé, y jette. Même si tes doigts puent, tu ne peux pas les couper pour les jeter. Mais combien d'années encore serons-nous pris avec ces beaux os de la radio? OK, notre prochain chroniqueur. Après s'être payé des milliers d'heures d'écoute de la radio Jambon, il nous présente ce que la radio Jambon a dit de nous. Voici la chronique d'Olivier Niquet. Yeah! Oui, comme le veut la tradition depuis maintenant une saison, je vais profiter de cette dernière émission pour vous faire entendre ce que les gens des radios que je taquine ont dit de nous. Commençons avec Mario Tremblay, pas l'ancien joueur de hockey, plutôt l'animateur de l'émission de Foufoune de Radio X, qui semble nous apprécier beaucoup. Nos grands amis, le vendredi soir! Je me souviens plus c'est quoi le titre de l'émission, d'ailleurs. Ils ont changé de titre, mais c'est la même gang. Tu sais, ceux-là qui crachent sur à peu près toutes les radios privées. Là. Je me souviens même plus du nom du... Watier, Water, machin chouette... Et également, Je me souviens plus du titre de l'émission, puis je veux pas le savoir. Vous remarquerez d'ailleurs, Jean-Philippe Machin-Chouette, que dans aucun extrait que je vais vous faire écouter aujourd'hui, le nom de notre émission n'est prononcé. Denis Gravel, toujours à Radio X, s'indignait de son côté que Radio-Canada coupe dans l'émission Enquête alors qu'elle investit dans des émissions drôlatiques comme la nôtre. De la radio de cégep, sur le pot un vendredi soir, il engage du monde, il paye du monde pour rediffuser des extraits de la radio de Québec le vendredi ben soir. Ben oui, il paye pour ça, là. Il paye du monde à temps plein pour nous écouter puis pour rire de nous autres. Ben oui. On a-tu vraiment besoin de ça comme contribuable? Pas sûr. Bon, OK, oui, c'est vrai, on fume du pot, mais c'est du pot sans gluten. On continue. Il me trouve drôle, il me trouve drôle, qui m'engage au lieu de passer des bottes le vendredi soir, m'aller me faire rire live. Qui te le donne le 400$ dans 15 minutes, Denis. Je me fais fourrer. Mais... Oh, considérant qu'on aura quand même beaucoup de temps à remplir à l'automne, c'est une proposition intéressante. Notez ça, Monsieur Water. J'aimerais quand même profiter de la tribune que je m'offre pour dire que ma principale préoccupation avec les extraits que je vous diffuse, c'est de ne pas déformer les propos, même si, évidemment, ils sont pas toujours représentatifs. Et David Desjardins, chroniqueur au Devoir, était justement à l'émission de Dominique Moret pour parler des radios de Québec et de l'image qu'on en a si on se fie qu'à quelques extraits isolés. Si j'isole 10 secondes de cette émission-là... Ça peut émission jouer là, à Montréal, les blogueurs vont s'énerver avec ça. Puis là on a la recette pour la radio poubelle. Ça, c'est malhonnête, ce traitement-là que tu viens de décrire, qui se fait à la radio de Radio-Canada, soit dit en passant. Ouais. Nous autres, on peut faire... Et on le fait... Et qu'on fait aussi de temps en temps. Et c'est un jeu qui se joue à deux. Et on le fait. Oui, je le sais que c'est malhonnête, je fais pareil. On continue. Puis moi, j'accepte de jouer à deux parce qu'on m'attaque. Donc, je réplique. Tu peux très certainement prendre un extrait à Radio-Canada, donner n'importe quelle émission, 6-7 secondes, des faits possibles, des hurluberlus. Ouais. Mais ça me fait quand même du bien d'entendre qu'ils acceptent de jouer le jeu parce que j'avoue que je me demandais pourquoi des gens qui passent leur journée à critiquer tout le monde pouvaient être si dérangés par mon petit 4 minutes par semaine dans une émission que personne n'écoute. C'est même rendu que Sylvain Bouchard de Cogeco a le sens de l'humour. Les grands penseurs, ils m'écoutent. Il y en a un qui m'écoute 24 heures sur 24, là. Ben, je suis pas en onde 24 heures sur 24, mais ils m'écoutent à tous les matins pour me planter à Radio-Canada. Ouais, je le salue, là, ça m'amuse beaucoup, là. Salut. Sylvain. Faut préciser qu'il parlait de commentaires haineux sur le site de Radio-Canada en bas d'une nouvelle sur les anglophones et les allophones qui voudraient quitter le Québec. Donc, on continue. Mais je sais pas s'il va parler de ça. C'est lui, il plante moi, la pierre, du monde, toutes sortes de monde de la droite. Est-ce qu'il va aller sur le site web de Radio-Canada voir le commentaire de sa gang? Quand on dit que les anglophones ou des allophones menacent de sacrer leur camp, qui crissent leur camp, on va être mieux. C'est pas du racisme, ça. C'est pas de l'intolérance. Bon, je savais pas que j'étais dans la gang des racistes intolérants, mais j'aimerais juste préciser que ma revue de presse ne concentre que ce qui se dit dans les médias, pas ce que disent les trolls sur le web. Bref, ça me rassure de voir qu'ils ont un peu le sens de l'humour. Ils ont sûrement constaté qu'on n'était pas si méchants que ça et qu'on n'a pas trop d'impact. En fait, peut-être qu'une fois, on a eu un impact sur l'actualité, mais c'était sans faire exprès. Écoutons Julie Snyder. Il y a eu effectivement un communiqué qui a été émis au mois de janvier parce que on était séparés et ça devenait difficile à cacher. Parce que j'avais reçu un appel de Denise Bombardier qui me disait « Je fais une émission de radio spéciale sur la Saint-Valentin et j'aimerais vous interviewer, Pierre-Carl et moi. » Une émission spéciale de radio sur la Saint-Valentin avec Denise Bombardier. Hey! Ça me dit vaguement quelque chose, même si j'essaie beaucoup, beaucoup de l'oublier. En tout cas, on se revoit la saison prochaine avec une émission de cégep encore plus droguée, drôlatique et malhonnête. Et tout ce beau monde pourra continuer de ne pas nous écouter, ça va nous faire plaisir. Ah, oh, merci, Olivier! Mais là, Jean-Sébastien a profité d'une tribune, Fred aussi, Olivier, venez donc nous rejoindre. Caroline, de bille. Fred. Fred, vous avez pas fait une présentation? Ah, ben non, mais je connais pas beaucoup, moi, Olivier. Puis il parle si peu que je trouvais que c'était une belle métaphore. OK, d'accord. Non, mais c'est vrai, on vous a pas entendu beaucoup au micro cette année. On s'amuse beaucoup du fait qu'Olivier Niquette parle pas. T'sais, est-ce qu'il y a une raison pour cette timidité-là? Non. Est-ce que... 4 heures l'année prochaine. Est-ce que vous êtes à Asperger? Non. Non, mais c'était pas diagnostiqué à l'époque. Ah oui, ouais, c'est ça. Mais est-ce que vous gardez des bons souvenirs quand même de cette émission-là, des deux dernières années? C'est quoi vos highlights? Faudrait que j'y pense. OK, sérieux. Ouais, non, on continue. Ça n'a pas de bon sens. Non, OK, notre prochain invité, s'il vous plaît, Fred. Il ne fait pas partie de l'équipe de la soirée. Mais vous l'avez entendu presque à chaque semaine. Il a le rire aussi contagieux qu'une malaria. Accueillons M. Jean Dupublic. Jean Dupublic. OK, hey! Quelle belle nouvelle! Vous savez, on reçoit pas... C'est important de recevoir les gens de notre public parce que depuis le début de l'année, en fait, depuis le début de la soirée, t'es encore jeune, on reçoit des gens du public qui se renouvellent à chaque semaine. Hein. Des fois, on peut penser que c'est le même public qui est dans la salle. Pas du tout. Il y a beaucoup de monde qui vient de nous voir. Sauf pour deux rangées. Oui, il y a deux rangées d'itinérants. Ben, c'est depuis les pics d'Archambault. Hein. Ouais. Et là, on s'est dit ce soir, on va recevoir au moins un qui va s'asseoir avec nous pour nous parler. Et c'est pas le moindre. Non, c'est celui dont les rires ont provoqué le plus de plaintes dans les dernières années. Ben... Jean-René Saint-Pierre. Je pense que c'est un peu le Marc Hervieux, en fait, de la soirée T'es encore jeune. mais je suis pas payé pour le faire, moi, par exemple. C'est ça qui est plate. Ben oui, mais Jean-René Saint-Pierre, c'est la personne du public que vous entendez tout le temps rire dans les balados-diffusions. Beaucoup de gens se sont plaints de son rire. On est heureux d'avoir Jean-René dans le public parce qu'il rit et ça nous fait du bien. Jean-René, merci d'être infidèle de la soirée T'es encore jeune. Vous et plusieurs de vos collègues, d'ailleurs. Il y a une petite famille qui s'est créée en fait, avec le temps. Un noyau. Il y a une petite famille, en fait, qu'on se voit chaque semaine. C'est agréable. C'est un peu comme aller dans un bar. C'est un peu Cheers, en fait. Tu sais, l'émission Cheers, mais... On est-tu trop, coudonc? Non, mais vous êtes comme les barmen, en fait, de ce bar-là. Je sais pas ce que je m'en vais, peut-être que c'est un peu sable mouvant. Oui, tout à fait. Bon, on sert de l'alcool gratis, en plus. Mais, et vous, là, comme auditeur, quel est le moment préféré de la soirée? C'est quoi vos meilleurs moments pendant ces dernières années-là? Il y en a beaucoup. Ben, mais une des bonnes émissions, c'est Bruno Blanchet et... François Pérus. J'avoue qu'il y avait comme une énergie. Mais tu sais, Bruno Blanchet, déjà, on savait pas trop au début. Genre, même, je pense que tu m'avais même dit, Bruno Blanchet, tu sais. Pas sûr. C'est un atome particulier, mais très, très drôle. Un moment donné, il s'est levé, je me rappelle, il faisait le sou, genre, il était chercher une bière. C'était très agréable. Bon, c'est sûr que vous, à la maison, vous avez pas vu ce moment-là. Nous, on l'a vu. C'est pour ça qu'il faut venir assister à l'émission. Mais là, c'est trop tard. Parce que mais l'année prochaine, il y aura plus de place, plus d'heures, tout à fait. Mais là, on le disait, là, c'est terminé pour les vendredis. Est-ce que vous allez venir avec votre gang les samedis à 17h? Je pense que oui. Bon, oui, on va être là, c'est certainement qu'on va être là. Allez-vous venir? Allez-vous venir? Je crois qu'une question que les gens se posent, y aura-t-il de l'alcool? J'imagine qu'il y a certaines personnes... Oui, mais le seul problème, c'est que ça risque d'être payant cette fois-ci, alors... On risque d'en perdre une gang. mais merci d'assister à l'émission ça toutes les plaisir. Semaines et nous avoir donné des rires qui nous a convaincus de continuer. Oui. Parce que des fois, on le sait qu'on est bon, mais on avait besoin du petit coup de pouce, du gros rire de Jean-René. Et c'est pas forcé, d'ailleurs. Hein? Et c'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et les gens le savent pas, hein? Mais en ce moment, il y a pas de micro, Jean-René. C'est pour vous dire à quel point il porte. Il rentre dans mon micro puis je suis à 5 pieds. On a fermé la console. Alors, c'est pour vous dire. Mais merci beaucoup, Jean-René. Merci énormément. Et on continue avec notre prochain invité. Il travaille dans l'ombre de notre émission depuis l'an dernier, même si c'est grâce à lui, c'est notre public et nos invités qu'on prenne nos blagues. Accueillons un des fondateurs de la brasserie Glutenberg, Monsieur Glutenberg. David Caillé. Comment ça va, Jean-Philippe? Hey, ça va bien. Eh bien là, on vous reçoit pour une raison bien simple, hein, parce que depuis 2 ans, on a une commandite ici de bière, mais on n'a pas le droit d'en parler. Ben, c'est ça. Hein, parce qu'à Radio-Canada, on n'a pas le droit d'avoir de commandite. Non, alors, on buvait de la bière sans gluten, qu'on ne pouvait pas nommer. Putain, C'est ça. Et on s'est dit que pour la dernière émission, on allait inviter le président. Malheureusement, il ne pouvait pas venir. Mais c'est surtout que c'était Julien Niquette, le frère d'Olivier Niquette. Et on s'est dit, deux Niquettes dans le même show, il ne faut pas pousser à patente. D'un coup, qu'ils se mettent à parler ensemble. Ben non! C'est plus des signes. C'est ça. Quand t'es là, ça reste de la radio. C'est bizarre. Alors David Caillé, qui est un autre des fondateurs, évidemment, de Glutenberg. En plein ça. Merci beaucoup d'avoir nourri le public comme ça, sans gluten pendant près de 2 ans avec votre bière. Une bière qu'on ne peut pas nommer. On ne la nommera pas ce soir. Malheureusement, on ne peut pas la nommer. On ne peut pas dire Glutenberg. Non. On n'a pas le droit. Ça, c'est... c'est un des gros problèmes. Et d'ailleurs, les invités, la plupart des gens, quand ils buvaient une gorgée de la bière Glutenberg. C'est une bière sans gluten. Ouais. Ouais. Évidemment, tout le monde se posait la question. Puis là, je vous ai devant moi. Pourquoi détester le gluten à ce point-là? C'est une bien bonne question, ça, Jean-Philippe. En fait, le gluten, bon, on n'a rien contre ça, le gluten, nous autres. Okay. En fait, on l'ignore. C'est une genre de violence psychologique qu'on fait au gluten. Puis, ben, il n'est pas le bienvenu chez nous, tout simplement, chez Glutenberg. Ouais, ouais, non, c'est. Ben, si je peux dire ça, est-ce que je peux dire Glutenberg en nombre? Ben, c'est embêtant. On checkera avec nos avocats plus tard. Okay. Mais, parce qu'évidemment, bon, c'est la mode sans gluten. On sait c'est que... une mode. On va se dire, c'est une mode, là. Mais c'est une mode qui. Non, mais on c'est passer, une mode qui pogne. Parce que, est-ce que les gens en ont profité, même si c'est des gens qui mangeaient du gluten, là? Est-ce que les gens en ont profité dans le public de cette bière? Bon. Évidemment. Il y a plein de produits là, de glutamine, mais on va pas trop en parler. Évidemment, non. Ça serait un petit peu malaisant. Là. Mais je sais qu'il y a la canette rouge, la canette blanche, ouais. la canette jaune, ouais. la canette brune. Il y a la bière dessert aussi, à l'érable. Là. Oui, la Sotolon, ouais. L'impérial Sotolon. Mais là, oui. On fera pas trop de pubs. Mais il y a quand même un nouveau produit que vous nous avez apporté. Et c'est pour terminer la soirée, parce que là, on est en manque de bière. C'est vrai. Et là, je vois qu'il y a trois grosses bouteilles. Là. C'est quoi? C'est la saison froide. C'est la saison froide. Ah, mais c'est ça, c'est votre association avec Chartier. Exactement. Oui, c'est la bière d'été de la série Gastronomie, donc une série de bières faites pour la table, donc pour les mariages bière et mets. La piste aromatique, c'est quoi? C'est le goût de froid. Ah, c'est si bon, ça! C'est bien important. Ah, mais moi, le froid, j'adore. C'est des glaçons, là, je mange ça comme de la glace. Ben, ah oui, c'est vrai! Mais non, je te la suggère en popsicle. Ah, c'est là, j'ai de la slush maintenant, de la slush à bière. Moi. Arrête donc. Ben oui. Mais vous connaissez donc bien de choses, vous. Ah, ben je sais, qu'est-ce que tu veux. Hey, mais on a tellement hâte d'entendre 4 heures de ça. Ah, ça va être fou, hein. Samedi, dimanche. Mais j'avoue, mais moi, je suis un passionné de gluten et j'ai quand même aimé votre bière. Comme êtes-vous quoi? Avec une tasse de farine, c'est très bon. Êtes-vous un passionné? Êtes-vous vraiment un passionné de gluten? Ah, j'adore le gluten. C'est vrai? Ah, je dévore ça. C'est fou. Mais t'as vu, je pense que j'ai un débouche-bouteille dans mon. Regardez ça, c'est bien fait. T'avais pas une application iPhone, débouche-bouteille, non? Non, non, mais attendez un peu, j'ai un débouche-bouteille, on va goûter ça rapidement, parce que ça paraît pas, mais il y a du temps qui passe, ben puis il y a des gens qui sont quand même plus intéressés. Ça paraît, moi. OK, on a ça. Merci, on va écouter rapidement. Mais on voudrait vous remercier, David. Est-ce qu'on renouvelle? Pardon? Est-ce qu'on renouvelle? Ben c'est ça, ça se pourrait que ce soit dans un bar la prochaine fois. Ça s'entend ben, avec le bar. C'est bête. Bien, oui, un verre en carton, là. Ouais, le carton du gluten, faites attention. Dangereux mélange. Mais Glutenberg, honnêtement, merci beaucoup d'avoir animé nos soirées, d'avoir permis à nos autres spectateurs oui. d'avoir bien plus de fun que normalement. Mais ouais, plus réceptif. Ah, ouais, ouais, plus réceptif. Parce qu'on n'est pas si drôle que ça. Plaisir. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, là, il nous en reste un dernier. Fred, lâchez-vous lousse. Après s'être payé la tête des politiciens québécois et canadiens, notre correspondant parlementaire se garde en se payant notre tête. Ah. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani! Chip! Hey! Comment ça va? Ça va, vous? Eh bien, ça va, papa. Ben, je t'ai pas envoyé de questions, hein? Non! Non, mais c'est ça, il faut que je brise la glace. C'est la dernière du vendredi. Ouais, mais moi, c'est la dernière de la soirée encore jeune parce que je ne serai pas là l'année prochaine. Mais ben voyons donc! Non, je ne serai pas de retour cet automne. Ma religion m'empêche de travailler le week-end, malheureusement. Et la charte n'a pas passé, alors je peux encore invoquer ce droit. Je retourne gambader, en fait, dans les vastes champs de la sérieuxité journalistique. Mais vous savez... Ah, c'est vrai! Vous savez comme je suis la caution morale et professionnelle de cette émission. Ben oui, je sais. C'est pour ça que je m'attriste de vous voir partir. Ben oui, la rigueur, l'objectivité incarnée dans les normes et pratiques journalistiques, que j'ai un attachement profond pour la justice, la vérité et le contenu, excusez. J'ai le dévouement d'un Mario Pelcha qui pleure dans la pluie. Ah, on va me demander, mais est-ce que c'est l'animateur qui vous pousse à la porte parce que j'ai déversé tout mon amour devant les malaises de deux hommes en or, ce Pénélope animé par deux gars. C'est vrai que Patrick Lagacé fait la face d'un chevreuil aveuglé par des phares quand vient le temps de livrer un punch. Dans un monologue pourtant écrit sur son télésouffleur, mais ouais. C'est pas facile d'être drôle par les enguinantelles. Ou à Fred. Non, M. Lagacé a d'autres qualités, et on en a parlé sur le mur Facebook de Fred, d'ailleurs. Il menace sa maman avec ses Ray-Ban. Il a une approche ludique, visionnaire, Steve Jobesque. Il a un impact marquant pour la culture canadienne-française. M'a-t-il sommé de dire pour me retirer de la liste noire de la presse pour que je puisse recommencer à poser mes questions à Marie-Claude Lortie? Mais cessons ce panagérique, cette géographie, ce dithyrambique trait d'esprit. Après 2 ans et demi, à tenter de vous éclairer sur les enjeux démocratiques, hein, et à tenter de comprendre le showbiz dont vous faites désormais partie, Vautier. Merci. Je retourne à un rôle plus sérieux. Que voulez-vous? Je suis plus jeune. Hein? J'ai juste un nom de famille. Je suis né dans les années 70. Je comprends encore ce que Fahrenheit veut dire. Je mesure mes quantités en onces. Puis quand je parle en pouces, je me comprends tant chez Ronald que sur Tinder. Mais ils seront heureux de ne plus m'entendre chanter du Harte Rouge dans les corridors de l'Assemblée nationale. J'étais déjà banni du Parlement d'Ottawa après qu'ils eurent appris que j'étais en nomination dans un gala avec des artistes riches. Ah oui? Oui, oui, ils n'ont pas aimé ça. Mais oui, exactement. Ah, okay, trois fois. Hein. Sûr, oui. Mais je vais m'ennuyer quand même de nos premiers ministres bien-aimés, hein, Stephen, Philippe, qui m'ébahissaient par leur dynamisme. Là, j'aurais vraiment fait un karaoké avec eux s'ils choisissaient des tonnes instrumentales. Et je vais m'ennuyer des mots gréments pleins d'acuité de Fred sur l'actualité, de la sagesse diaphane d'Olivier. Des drôleries aiguës de Jean-Sébastien. Ouais. Et de vos séductions pleines d'ironie, Jean-Philippe. Oui. Ah! Qu'on a influencé le monde politique en 2 ans et demi. Okay. Grâce à mes éclairages tant attendus sur l'actualité, vaut-il, la gouvernance souverainiste est disparue. D'ailleurs, presque tout ce qui est souverainiste a disparu. Mais ça, c'est pas de ma faute. Grâce à moi, on a remis les pétitions au goût du jour. On a donné un nouveau souffle à la démocratie. On a découvert les scandales du Sénat. On a mis au jour les pertinences de Justin Trudeau. On a saisi les reculs de Pauline Marois. On a compris les méthodes de Jean Charest. On a expliqué le Québec sous PKP. On a vécu la normitude de Philippe Pouliard. Grâce à moi, on a une commission Charbonneau. Ouais. Hein? On a la paix dans le monde. On a la réconciliation entre les solitudes. On a la margarine jaune. On a le Slinky. On a le Coco Cerise. On a Mathieu Bock-Côté. On a les grands barrages. On a les particules élémentaires. On a des garderies à 7,30 $. On a une charte de la langue française. La Caisse de dépôt et de placement qui a retrouvé ses milliards. La Révolution tranquille. On a Paul Pichet, oui. On a les coureurs des bois. Haïti a toujours pas village, mais je vous ai donné quand même un avenir, un projet de société. Et Boum Desjardins n'a jamais entendu de meilleure chronique depuis Caïn. Et même depuis Abel. Depuis Richard Abel. Bref, je vais continuer à vous écouter avec tendresse en espérant qu'une heure multipliée par 4 ne devienne pas une heure édulcorée en 4. Après Timmy, ce serait bien le bout. Chapeau, Coutier. Yeah! Eh bien, merci beaucoup, Jean-Philippe. Écoutez... C'est déjà tout. Non, c'est pas tout, Jean-Philippe, parce que ce que d'un petit peu plate, évidemment, c'est que vous n'avez pas bénéficié d'une entrevue. Ah. Alors, comme moi, j'ai déjà aussi animé des talk shows par le passé, je pense que je suis outillé pour vous poser quelques questions. Alors, j'ai envie de faire un petit... Oui, vous parlez de votre petite interlude, là, oui, les bronzés. Les bronzés. Oui. Non, on fait une petite pause cet été, histoire Vous ressourcer. De prendre des vacances. Ben, oui, c'est normal. Retour pour une deuxième saison l'année prochaine. Oui. Pour les bronzés, font de la radio. Alors, j'ai envie de faire comme à Christiane Charette. J'ai envie de commencer l'entrevue en demandant à Fred, par exemple, de me présenter ici Jean-Philippe Vautier. Alors, c'est qui pour vous, Jean-Philippe Vautier? Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Philippe Vautier? Je vais passer mon tour là-dessus, sincèrement. Parce que, ah oui, hein? Peut-être, Olivier. Qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Qu'est-ce que vous diriez de Jean-Philippe? Ben, il est ponctuel. C'est vrai. Il est travaillant. Ouais. Il est pas superficiel. Mais sérieusement. Mon Dieu, il est tout ça à coke. Il parle donc bien, lui. Ouais. Vous me laissez jamais parler. Parler. Mais c'est pas intéressant quand vous parlez non plus. Bon, mais c'est de vous dont on veut parler, Jean-Philippe. Bon. Donc, 2 ans à la barre de la soirée est encore jeune. Qu'est-ce que vous retenez surtout, outre les rires de Jean-René? Non, mais quelle extraordinaire émission qu'on a réussi à créer quand même. Hein? Et quel groupe, quel fun on a eu. Puis j'ai l'impression que les gens dans la salle et les gens aussi à la maison ont eu le même fun que nous autres. Puis c'est ça le plus important. Et l'autre chose qui est importante, je pense, c'est que les invités ont eu aussi ce fun-là. Oui. Et ça, je pense que c'est rare. Honnêtement... À part Guy Nantel, là, oui. Ben, et André Boisclair. La plupart des gens ont eu beaucoup, beaucoup de plaisir à venir nous voir. Ils sont revenus. Il y a des gens qui reviennent nous voir comme... Je pense à Raymond Bachand quand même. Tout à fait. Qui est venu 2 fois nous voir. Tabarouette, c'était pas un public qui était si gentil à son égard. Mais il est revenu, puis il a eu du fun, il a eu du plaisir, il a été bon joueur. Et ça lui a servi, ça nous a servi, puis ça a servi à, je pense, bien honnêtement, l'information, la politique et à la culture générale, bien honnêtement. Puis c'est ça que... Humblement. Non, mais c'est vrai quand même, parce qu'on recevait des politiciens qui parlaient et qui se dévoilaient comme on n'entendait pas ailleurs. Et ça, ça vaut quelque chose. Puis honnêtement, d'avoir pu créer ça en gang, ça a été le fun en tabarouette. Franchement, ben moi, je dis chapeau, M. Vautier, évidemment. L'autre question... L'autre question qu'on se pose dans les... Pas ton non, fou, Jean-Philippe, la question qu'on veut savoir maintenant... ce que je voudrais savoir, c'est si vous pouviez étendre une brassée de linge cette semaine sur la corde, avec qui vous voudriez le faire? On vous écoute? Avec tous ceux qui ont créé de près ou de loin cette émission extraordinaire qui est La Soirée est encore jeune. Mais Jean-Philippe, quand même... Quelques mots sur la prochaine saison. Ah, hey. Une troisième année, donc vous passez de 1 heure à 4 heures. C'est quoi votre pourcentage de vous casser la gueule? Et ce que je trouve le fun, c'est que vous vous excluez un peu de ça parce qu'il n'y a rien qui est signé pour vous encore. Je sais, les ficelles ne sont pas encore attachées. Non, non. J'analyse des offres. Non, arrêtez donc. Tout le monde revient l'année prochaine, sauf Cipriani, évidemment, qui a décidé de redevenir sérieux. On va pas l'inviter. Non, mais on va pas l'inviter comme journaliste. Oh non, ça me surprendrait. En entrevue, non, non, regarde, il tourne la page, il tourne la page. J'en ai choisi. Fin d'émission. Non, merci. Regarde, on gardait nos meilleurs moments pour la fin. L'année prochaine, on a 4 heures. C'est le samedi et le dimanche de 5 à 7. Je pense qu'on va essayer de surprendre les gens. Je pense qu'on va essayer de garder ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire à la soirée encore jeune le vendredi soir. Et puis, on va essayer de rendre ça... on va essayer de transférer ça dans l'esprit du week-end. Tout à fait. Le samedi, on le sait. On va maturer ça un peu. Oui, oui. Ah, Jean-Philippe, vous avez quelque chose à dire? Là? Est-ce que la circulation va revenir? Non. Je vous l'annonce. Il n'y en aura plus de circulation. On ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Non, non, il n'y en aura plus. Ah, c'est fait, OK. Oh, ouais. On va essayer de transformer des vendredis en 5 à 7 pour préparer notre souper du vendredi. Là. On va faire probablement... Là, du samedi, On va probablement faire ça. Ben, je ne sais pas pourquoi je pensais au mercredi. On va probablement faire ça dans un bar. Hein? On va probablement vous accueillir et en espérant que vous allez venir nous voir. Mais ça va être en direct, moi, c'est et ça. Et on va faire ça du va être direct. Le fun. Ouais. Ouais. Alors, samedi en direct, le dimanche en direct, pendant 4 heures, je pense qu'on va s'amuser bien Deux émissions différentes, deux temps différents, pourrait-on dire, Jean-Philippe. Sans trop se tromper. T'as tout à fait raison, Jean-Sébastien. Avec les avocats en studio. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut pas attacher vos ficelles encore, Jean-Sébastien. Il y a votre salaire qui est peut-être à l'avocat. On salue. Mais je pense qu'on va s'amuser bien gros l'année prochaine. J'espère que les gens du public vont venir nous voir et vont nous réécouter aussi. Et puis, je pense qu'on va s'amuser. Oui, moi, je pense que oui. Je pense que vous l'avez dit, qu'on va s'amuser. Je pense qu'on termine l'entrevue ici maintenant. Oh mon Dieu, que ces ficelles sont pas attachées pour vrai. Mais merci beaucoup. Puis là, c'est vrai que c'est la fin de l'émission. C'est vrai que c'est la fin de la soirée, les vendredis. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Restez à l'écoute pendant tout l'été pour nous réécouter à partir du 23 août à 5h. Oui. C'est un samedi. J'aimerais remercier, je l'ai dit un peu plus tôt, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la création de cette émission. Je vais aller nommer Marie-Claude Bocage, Jean Gagnon, Philippe Robert, Chiffre Côté, Nicolas Arguindé, Barbara Dutte-Caron, Alexandre Courteau, Julie Christine Parallé, Astrid Lisky, Catherine, désormais, évidemment, j'en oublie, mais tous ceux qui se sentent concernés, je vous en prie, vous avez été un élément essentiel dans cette émission-là. Merci beaucoup et surtout un merci à votre, à notre merveilleux public d'avoir participé depuis le début de cette émission-là. Vous pouvez vous applaudir, vous le méritez. Vous écoutez notre balado de notre dernière émission et vous nous écoutez à partir du 23 août. C'est un samedi, c'est à 5h pour la toute nouvelle mouture de la soirée. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cet été qui est encore jeune!